Mais t'es où là? Je suis là. Bah, je sais où je suis. Je me suis déconnecté. Ok, t'es déconnecté, mais là on commence dans deux minutes, même pas gros. Hein? Bah, c'est la prise. Y'a Kev, y'a tout le monde est là, tout le monde est installé, on t'attend gros. J'arrive. Fred, mais pour toi c'est fini les vacances. C'est terminé les vacances. Ouh, Planète Rare, ça reprend, c'est reparti. C'est le retour de mon émission préférée. C'est reparti pour une nouvelle saison de Planète Rare. T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances, Pico? T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances? Tu vas kiffer ta rentrée sur Skyrock. Yeah, c'est enfin le retour de Planète Rare. Encore une fois, plus de 500 artistes passeront au micro de Planète Rare. Allô, les auditeurs de Skyrock. Hey, what's up? Un big up à l'émission de référence. Salut la famille. Salut. Yeah, bitch, c'est Planète Rare. C'est la famille. Planète Rare. Planète Rare. Planète Rare. Yo, yo. Sur Planète Rap, on sera là pour t'offrir des centaines d'heures de live, Skyrock Flow, de freestyle inédit et d'infos exclusives. J'ai pas trop d'inspi, mais bon. La nouvelle saison de Planète Rap, ça reprend maintenant. Et oui, c'est reparti depuis hier pour la nouvelle saison de Planète Rap avec les images sur skyrock.fm, sur vos applications. Allez cliquer, on est en direct comme chaque soir. C'est reparti avec DJ Kaze toute la semaine. Ça va, Kaze? Ah, mais je sais pourquoi ça marche pas. Regarde, attends, hop, on va faire en direct. Hein. Je rebranche le micro. Voilà. Bon, tout le monde va bien? Et toi? Ah, fallait brancher aussi là, pardon. Ah, décidément, c'était bien installé pour cette deuxième. Bah, c'est reparti, c'est la reprise avec DJ Kaze et projet Paris en New York. Paris en New York qui sort le 25 août. C'est dans 6 jours maintenant, c'est DJ Kaze. Ça va. On est là pour faire découvrir les titres. Ouais. On invite des artistes, on fait du mix aussi. On fait écouter de la musique. Oui, il y aura un mix tout à l'heure. Exactement. À pas louper des invités. Des invités que je vais présenter. Tu veux commencer maintenant, on y va? On va le faire de droite à gauche. Alors, la première, c'est Yasmine qui vient de province, du côté de Lyon, Oyonnax. De Lyon. Le Lyon, ses producteurs sont d'Oyonnax. Donc c'est une jeune chanteuse qui a une voix extraordinaire. Que tu as découvert comment? On l'a découvert via internet puisqu'elle faisait des covers au départ, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va bien, Yasmine? Enfin. Tout va bien. Bon, bienvenue. Merci. Donc découvert par le net. Voilà, elle faisait des covers. Alicia Keys, elle avait une voix extraordinaire et elle rappe, elle chante, elle fait tout, elle est... couteau suisse. Tu sais qu'on aime beaucoup les artistes. Je sais. Qui ont plusieurs casquettes. La deuxième, c'est Diesel, donc du label Justin Record. Ça va bien, Diesel? On la connaît bien, Diesel. On l'a déjà invité à Rail Suprême. Dans Rail Suprême, elle est venue. Elle a ambiancé cet été le Rail Suprême aussi. À fond. Donc de retour, et elle est présente sur le projet. Exactement, elle est présente sur trois gros titres. Et on a amené Tiergo aussi, qui est de le. Ouais. Voilà, il va se présenter. Tiergo, je connais puisque j'ai déjà eu par téléphone. On s'est déjà plusieurs fois. Freestyle par téléphone, Tiergo. Eh ben, style auditeur, il ne l'avait pas dit. Hein. T'avais caché ça dans son CV? Ah, c'était un petit secret ça. En tout cas, c'est le petit protégé à Mister You. Ouais, et il est présent. Voilà, il y a Mister You à deux poulains, c'est Tiergo et Albandi, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, Mister You n'a pas pu venir avec les tournées d'été, etc. Donc lui fait un gros big up, on va peut-être essayer de l'avoir tout à l'heure. Mais il est présent sur Paris Oran New York. Exactement, sur un titre qui s'appelle Yugata Kaze. Et bah, bienvenue à vous tous, on va vous présenter plus en profondeur, j'ai envie de dire, avant la fin d'émission. Un mix de Kaze à louper, puis on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'était dans le premier Planète Rap de cette nouvelle saison 2014-2015. Planète Rap, le replay. Coup d'envoi de cette nouvelle saison 2014-2015 avec DJ Kaze. Ça fait plaisir de faire la première. C'est toi qui fais l'ouverture. Merci beaucoup. Avec Sultan qui est là aussi. Tu veux résumer rapidement le projet? Alors le projet, il y a 25 titres inédits. Alors Paris en New York, à la base, c'est une marque qui existe depuis 2005. Et c'était sous format mixtape, c'est-à-dire que je prenais les sons d'été qui cartonnaient, qui marchaient bien. Je faisais un condensé. Et... Sultan. 9-2. 9-2. Toujours. Quand j'ai posé sur l'album à Kaze, j'étais en même temps en train de faire l'album Team BS et mon album solo. Donc quand il m'a proposé le truc, je pouvais pas refuser, tu vois. Même artistiquement, j'ai vu ce qu'il valait, tu vois, à travers ses showcases en boîte, tout ça. Donc voilà, lourd. Pour mieux faire connaissance avec DJ Kaze, vous le savez, sur le net, on trouve de tout et beaucoup de n'importe quoi aussi. Ouais. Donc tu vas nous dire vrai ou pas, c'est ce qu'on a vu avec DJ Kaze quand on a tapé DJ Kaze aujourd'hui. On est tombé là-dessus. Dernière en date, Brandao qui a déclaré c'est le son du soi qui lui a donné envie de casser le nez de Thiago Motta à la fin du match PSG-Bastia, car selon lui Motta n'avait pas assez de swag. Ah. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Donc c'est faux, c'est bidon, c'est un truc bidon du net. Il paraît que tu devais être dans Secret Story 8 mais t'as refusé. Faux. Et le secret devait être le soir je me transforme en genouné. Allez, maintenant c'est Sultan en live dans l'émission pour Paris Oran New York. DJ Kaze.

du swag à l'instant. Du swag, ouais. H Magnum, Maître Gims. Non, non, non, non, non. Gros son celui-ci. Et ouais. Sur Paris, Oran, New York. Ça a bien tourné, on est content. Moi je le ressens en live aussi, comme je l'ai dit hier, lorsque le titre était sorti. Ouais, voilà, on savait pas vraiment, on sait jamais réellement. Et là, dans le cadre de mes tournées, j'arrive à voir que le titre y prend et que les gens le connaissent. Et merci aussi à Skyrock de l'avoir joué. Et pourvu que ça dure. Exactement. Voilà. Et il y en a d'autres aussi, hein, sur l'album. Il y a 25 titres inédits. Il y a 25 titres inédits, ouais. Ça sort lundi, 6,99€ en précommande. Allez-y, allez cliquer. C'est déjà en précommande. Ouais. On peut y aller pour retrouver DJ Case. Faisons un petit tour de table, Case. Oui. Si tu veux bien, on va commencer avec les filles. Oui, on va commencer avec Yasmine. Donc alors. Yasmine, tu nous disais qui nous vient de Lyon. Yasmine, donc oui. Petit CV express, j'ai envie de te demander quel âge, ce que tu as fait, ce qui va se passer pour toi. Alors moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 20 ans. J'ai commencé à faire des covers sur internet, comme il l'a dit. Et puis ensuite. C'est quoi le premier cover que tu as balancé? Il est bon celui-ci, je le mets. Pundi Alarm. Pundi Alarm, ouais. Ça a été un buzz de malade. Ouais, pas mal, ouais. Donc contente? Contente? Ouais, t'es contente, ça se passe bien, les gens te suivent? Ouais, super. Bon début. Et ensuite, je compose mes musiques en anglais, j'essaye en français. Et voilà, j'ai été présente dans l'album Adi Jamida en 2012 avec un son funk, Don't Forget, qui a fait pas mal de bruit. Et ensuite, là, je suis dans l'album Adi Jamida. Je travaille avec une bonne équipe, Rachid, Farid, Majkovic. Bon, alors il se passe quoi dans les mois à venir pour toi? On compose, on écrit, projet, on espère que ça va. Que ça va marcher, hein. On attend la sortie de l'album avec impatience. Très bien, et puis on peut te retrouver donc sur le projet Paris, Oran, New York. Alors elle est sur un titre entièrement en anglais, et le titre c'est Give Me Some Love, un pur son d'été qu'on écoutera tout à l'heure. Très bien, on pourra le passer bien et t'écouter, on t'écoutera en live aussi. Une autre jeune fille avec nous qui s'appelle Diesel. Yes. Bah pareil, hein, Diesel, petit CV Express aussi, pareil. Hein. Bah petit CV Express, Diesel, artiste signé chez Justin Record. Donc maman, on a pu me découvrir avec plusieurs sons que j'ai déjà balancés sur le net. Vous pouvez me suivre sur ma page aussi, Diesel Officiel. Donc là, il y a mon dernier son qui est sorti, Pas le temps. Et aussi le fameux Jnouné. Jnouné. Jnouné qui est en featuring avec Rimka et Jules qu'on a pu découvrir. Ouais. Voilà. Et qu'on passera aussi, je pense, ce soir dans l'émission. Ouais. Très bien, Diesel, bienvenue. Bah merci. Tranquille, les vacances un peu, non? Ouais, ça va, tranquillou. T'as au bronzé, calme. Je vois. Non. Oh, c'est ma couleur de peau, arrêtez. Oh putain. Caramel. N'importe quoi. Bon, Diesel avec nous. Et puis donc Tirgo, ça c'est le gars de l'équipe ce soir. C'est ça. Invité aussi sur Paris, Oran, New York. Deux jolies demoiselles et un beau gosse. Et Tirgo, je le disais, moi je l'avais découvert, il t'avait caché ça, mais dans Freestyle de Planète Rap. Il y a 2 ans déjà, hein, je crois que t'avais rappelé. Ouais, dans l'émission. Il y a 2 ans, ouais. 2 ans pile en plus, je crois que c'était au mois d'août. Et ça tombe bien, on a sorti la boîte à dossier, tiens, écoute. Ouais. On était fous, on était dans la fume. C'est le bonheur à une odeur qui lui qui nous parfume. Bref, 9-4, et qui est là où j'ai grandi parmi les bandits, les méchants et les plus gentils. Hein, c'est pas sévère, ne parle pas de ce que l'on connaît. Nous, on sait ce que l'on sait faire, même quand c'est rouge, mais c'est vert. C'est la hache, c'est la folie. Cagoule qui grave et brolique, parle pas de ce que t'as pas commis. C'est du rap anti-tomie, hip-hop scotchite atomique. Sur la tape, pas de champomie, y'a un McDonald's devant le cou. Voilà, pour Tirgo. C'est bon, je t'ai sorti la boîte à dossier, Case. Ah, merci. Bon, et puis depuis, plein de choses pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Plein de choses. Signé chez Stive Music, le label créé par Mister You. J'ai sorti un EP dans les bacs novembre 2013, Paris Story. Il était dans les FNAC, partout en France. J'ai avancé beaucoup de clips, j'en ai balancé pas mal. Et là, je suis sur un deuxième projet qui devrait sortir dans les bacs aussi, mois de novembre, sur lequel on est en train de travailler, qui est bientôt fini. Bon, et puis on écoutera aussi le morceau Oui, qui s'appelle Yugata Kaisan, en compagnie de Mister You et Al Bandi. Alors c'est vrai que sur Paris Oran New York, il y a des noms déjà qui sont connus, hein, on le disait, c'était le cas avec Maître Gims aux côtés de H Magnum pour du souhait, mais il y en a d'autres, il y a Jul, il y a Rimka, et il y a aussi beaucoup de nouveaux talents. C'est vraiment la ligne éditoriale du projet, Kaisan. Oui, bien sûr, ouais, puisque aujourd'hui on peut pas se baser que sur les artistes connus, et puis on donne la chance aussi aux artistes qui ont énormément de talent et qui méritent d'être sur un projet comme celui-là. C'est pour ça qu'ils sont là avec nous. Exactement, on n'a même pas besoin de les driver ni quoi que ce soit, c'est des vrais professionnels. Bon, on va écouter un morceau maintenant, juste après tu iras faire un petit mix. Qu'est-ce qu'on met comme morceau de Paris, Oran, New York? Justement, on va mettre Matrixé. Matrixé? Yes. Mais ça, c'est bon? Ouais. Ça a l'air de convenir. Ah non, on va mettre Jnouné, tiens. Ah, Jnouné. Ah, donc ouais. Changement de programme, Jnouné. Jnouné, donc en featuring avec Rimka et Jul. Donc Diesel qui est là, qui a assuré sur le refrain et qui est...

écoute ça, frère. Franchement, Sartek, Sartek, Sartek. Ne pas en avoir qu'un, pour idéaliser, on a aucun. DJ Kays. This is the under. Let's go. Paris. DJ Kays. Paris, Oran, New York, le 25 août dans les bacs, ici. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Elle va tout faire pour te plaire. Respecte la miss. Et quand tu tomberas, c'est le faire ma bélique. Talon aiguille, l'artiste. Un bac plus maroc, une grosse cuisse. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je veux sauver mon âme. Nachetane, en pécane. DJ Kays, l'artiste, c'est obligé que t'es fan. Paris, Oran, New York, l'album, le 25 août dans les bacs, à 6,99€. Si, si. Big up à Choumi, Choumi, mon pote. Velvet, Velvet, la villa, Ali, Amin, c'est le bordel. Ok. Famille, c'est de suivre le mouvement. Je me contrôle pas sans rater. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens en jaloux. Et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y en a qui pensent jusqu'au bout de la night. Les gars de mon jeu, ils vont brûler un mois de salaire. C'est à cause de boules de bad bitch, ça va me plaire. Laisse des bad bitch spike pour un bout de terre. Je file comme une étoile pour me payer ça à force. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au physio. Au platine, y'a qu'à y'a très en train de faire. J'suis un enfant de la fun comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet gris, c'est trop bien le. J'suis à déguster, j'suis à croquer, chaud à l'intérieur. Rappelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est ça peut-être des petits femmes. Si c'est en dessous de la boule à passer. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la kiffin dans le ghetto, c'est la cerise. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je reste dans l'ambiance. A la base, la funk, c'est pas ma cam. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle pas sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens chelous. Je profite jusqu'à la fin. Après la bouillie, on a jusqu'au bout de la night. DJ Case au contrôle sur Skyrock. Un petit échantillon improvisé. Ben, un bel échantillon improvisé à l'instant. Puis je rappelle que Case, il est aussi sur Skyrock pour des mix plus longs. Hein. C'est une heure de mix chaque dimanche soir. Oriental, ouais. À pas louper pour Rice Suprême. Et puis en tournée dans toute la France, dans toute l'Europe, dans tout le Maghreb, partout. C'est ça. C'est vrai que t'es présent. Là, je suis en pleine tournée. Je suis revenu exprès pour le Planet Rap et je repars pendant le week-end direct jusqu'à mi-septembre. Très bien. Bon, on aura l'occasion de faire un point sur les dates. Mais on revient tous les dimanches soir, bien évidemment. Et le dimanche soir aussi pour faire la fête avec nous, avec DJ Case. Ce soir, il y a Yasmine, il y a Diesel qui est là. Yes, pour l'album. Yo, yo, yo. Pour le Paris ou en New York, on écoutera quoi dans un instant, Case? On va écouter le morceau d'Yasmine, Give Me Some Love. Très bien. Give Me Some Love. Morceau en anglais avec Yasmine. En anglais, ouais. En anglais, très West Indies, un peu R&B et vous aurez la chance de découvrir sa jolie voix. Et une petite question très simple, une fois de plus, hier on a fait simple, t'as filé la réponse, ne la file pas s'il te plaît. La réponse est dans le studio. C'est un indice très simple. Quelle est la seule rappeuse présente sur le projet Paris Oran New York? Dur, hein? Pas facile. Si vous avez la bonne réponse, 41759, allez-y, 41759, ou le hashtag c'est DJ Case sur Skyrock, vous repartez avec l'album dédicacé d'ici quelques minutes. Bougez pas après la pub, on revient, c'est Paris Oran New York et ça sort le 25 août. You're listening to Skyrock. Comme toi, DJ Case a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Paris, Oran, New York, on est à 6 jours de la sortie. Ça, Paris, Oran, New York avec DJ août, Case. 25 titres. 25 août, 25 titres. 6,99€. Pour... Ouais, non pas pour 25 euros. Non. Quel cadeau. Moins de 7 euros. Qu'est-ce qu'on a pour 7 euros maintenant? Même pas une chicha. Ouais. J'en profite pour faire une grosse dédicace à la villa Chicha qui magnifique. Me ramène les chichas et le Velvet Lounge Chicha qui se trouve rue de Crimée. Une super belle chicha. Et aussi à mon pote VIP Lounge à Oyonnax. Voilà. On dit lounge. Lounge. Ouais, un peu. Bon. Case. Je sais, désolé. Moi, je suis Rai Suprême. <C'est vrai. rire> Bon, lounge. Merci, Kaïs, et dédicace au joueur de pierre. Voilà. Bon, il a fait ça de dédicace. Eh ben, parfait, voilà. parfait. Il vient de vers la montagne, donc il y a beaucoup de pierres là-bas. Wow. Bon, DJ Case avec nous, avec Yasmine, avec Diesel, avec Tirgo, yes, qui sont là, on ouais. écoutera du live. Tirgo, et d'ailleurs, il y a un compositeur qui vient de nous rejoindre. Ouais. C'est celui qui a composé le titre, justement, qui est dans l'album. Donc, le Yuga Takaïs, Mister You, Albandi et Tirgo. C'est DJ Snatch, il vient de Toulouse. Big up Toulouse 31. Aïe. Ah, bah, il est là, Snatch. Voilà, on salue Snatch, qui est là aussi avec nous ce soir. Un petit coucou. Ça va ou quoi, l'équipe? Ça va, hello, hello, hello, Snatch. Ouais. En pleine forme? Ça va, très bien, merci. Bien, content de la collaboration? Ouais, c'est. Case, mec sympa. Un bon gars. Ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Tu m'étonnes, bah, pareil. Hein, ça fait un moment. Snatch, ça fait aussi un moment qu'il est dans le milieu et qu'on écoute ses prods. Ouais. Il a fait des prods pour des gros noms et il est là encore aujourd'hui. Il a plein de projets qui arrivent. La question que j'ai posée il y a quelques minutes, quelle est la seule rappeuse présente sur le projet Paris Oran New York? C'est Mehdi de Cannes qui va nous filer, j'espère, la bonne réponse. Salut Mehdi. Salut. Ça va bien, Mehdi? Ça va bien. Bah, et toi? Tranquille, impeccable. Alors, la réponse? Diesel. Diesel, tu confirmes? Bah, je sais pas, je rigole. Non, c'est essence. C'est à Case. Ouais, Diesel. Bravo. Oui, quand il rappeuse, parce que Diesel chante, mais elle rappe aussi, elle kiffe aussi. C'est donc la seule. Elle fait aussi du Atos, elle fait de tout. C'est vraiment, ouais, je fais tout, j'ai pas. L'artiste hors du commun. Et bah, bravo, Mehdi, album dédicacé. On t'envoie ça. C'est gentil. C'est possible de faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Je vais lui faire un petit dédicace roulé, il va me reconnaître. Ah, c'est bon, je vois qui c'est. C'est notre ami Maze de Cannes, ça. Nice Cannes. Ah, on t'a reconnu. C'est qui? C'est un DJ aussi. Ouais. Voilà, et il a eu la chance d'être là pendant le live. Au téléphone, je sais pas comment il a fait, mais il a des pistons dans Skyrock. Il a des pistons, il a réussi à récupérer l'album gratos. Bravo, en tout cas, gros big up à DJ Maze, Nice 06, et on embrasse tous les gens du Sud. Pas de problème, Kaïs. Salut, mon pote, à toi et ta famille. Ciao, Mehdi. Ciao, ciao. Ciao, passe une bonne soirée. On va écouter maintenant un morceau où on retrouve Yasmine. Exactement. Mais juste avant, Yasmine. Oui. Est-ce qu'on pourrait écouter ta voix? Bien sûr. Juste comme ça, a cappella, est-ce que tu pourrais nous faire un petit plaisir? Yeah. Oh, oh, oh, oh. Give me some love. Ah, ça envoie, hein. Ça gère. Elle a une voix. Moi, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait penser à une chanteuse que j'aimais beaucoup déjà à la base. C'était Keisha Cole, une artiste américaine. Et elle m'a fait penser. Nous, on a été bercés par quelle référence, ça va. Un petit peu old school et un peu funky. Et c'est exactement ses inspirations. Et puis, bah, ça a donné cette collaboration qu'on va écouter maintenant. Exactement. Le titre, c'est Give Me Some Love. C'est un gros titre d'été. Donc, branchez vos oreilles, connectez-vous sur iTunes. 6,99€, c'est maintenant. Ah, je me disais, t'as Kay, c'est bien. Tu t'es mis dans un truc, t'as réussi à t'en sortir, bravo. Allez, on écoute ce morceau. C'est sur le projet Paris Oran New York que ça sort le 25 août, lundi, dans les bacs. Ok, yes. De Paris Oran New York à l'instant. Give me some love. Je te dis, allez, nous c'est que des couteaux suisses qu'on prend, il n'y a pas de fourchette. Voilà, Yasmine qu'on retrouve en pique-nique dès lundi 25 août pour Paris Oran New York avec DJ Kaze à l'instant. Donc ça c'était Yasmine qui a une voix exceptionnelle. Et dans un instant on va mettre un autre morceau aussi. Exactement. Lequel, avec Tirgo peut-être? On va mettre, vu qu'on est galant. On fait passer d'abord les filles en premier. Très bien, très bien, tu veux. On va mettre le morceau de Kenza Farah et Diesel et avec Fat Man Scoop. donc qui est le plus grand ambianceur du monde. On a réussi à l'avoir sur le titre. D'ailleurs, le clip qui est en cours. Et le titre s'appelle Matrixé. Et bon, on va écouter ça dans un instant. Juste avant, c'est l'heure du freestyle par téléphone avec Marocco 26 de Valence. Salut Marocco. Ça va Fred ou quoi? Bienvenue de retour dans Planète Rap, Marocco. De retour, ouais. Putain, ça avait manqué un peu, hein, quand même. C'est vrai, mais ça fait du bien. Il faut se reposer un peu. Ah ouais, pour, il faut. Hein. Pour mieux repartir. Même moi, je suis revenu aujourd'hui de vacances et j'ai eu le coup de fil. Marocco, bah voilà. Il était au Maroc, comment? T'étais où en vacances? Non, je suis pas parti au bled cet été. T'étais où, Marocco? J'étais à Montpellier. Bien, donc bonne ambiance, sympa. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ça va, et là c'est la reprise. Et attention pour les freestylers Marocco 26, une petite, comment dire, un petit plus cette saison. Il va falloir être précis, concis, rapide, efficace. En 1:30, si au bout d'une 30 pour tous les freestylers par téléphone, vous tenez pas, vous entendrez ce gong. D'accord. La discipline, ouais. Ouais, là, c'est la saison de la discipline. Ouais. Non, t'inquiète. Eh ben, c'est parti. Si on freestyle par téléphone, on t'écoute, Marocco 26. Ok. Yeah, ça fait. Dédicace à tous mes gars. Fais le M, tu me reconnais. Marocco gang, Oujda. On démarre doucement. Yeah. Trop d'MC calme, font du rap en carton. Quand automatique fait péter les watts à fond. Demande à Wata, c'est moteur du Japon et musique à fond, c'est ce que tous mes gars font. Pas de chichi, ramène du chichon, mon cerveau n'aime pas ta pute de chicha. Si t'es du père, c'est que tu t'es fiche. Fais un pas de trap chez nous, t'es fiché. Comme ta mère la pute à la place cliché. J'aime quand les haineurs se mettent à cliquer sur mes sons clippés. Clippé, une vue en plus, ça me fait kiffer. Cablon, t'es visé. Visé, si ta meuf ta gueule, j'espère que t'es vidé. C'est la haine qui me pousse à écrire mes idées. Donc encore une pique de bête de bastos. Marocco, c'est Wama dans les games, pas de pause. J'rappe pour mes you, va d'un accord et cassos. Depuis fais le M, tu sais qu'on s'impose. Dire, ouais, tu sais qu'on s'impose. Dire, ouais, tu sais qu'on s'impose. C'est rappeur, j'élimine, BDK te met des claques. J'ai la rime qui t'hérite d'un zeste épicé. Les rappeurs que je crois sont tous épuisés. Par manque d'inspi, vont leur rester brisés. Canon scié, je vais les analyser. Dans le rap que des touristes, Champs-Élysées. Dire. Yeah. Bah voilà, c'est ce que je voulais, tu vois, saison de la discipline. Rapide, court, efficace, bravo Marocco. Terrible. Premier de la classe. Et on peut te suivre pareil sur le net, on peut te retrouver Marocco 26. Ouais, sur ma page Facebook, Marocco 26. Donc dessus il y a tout. J'espère que les gens ils vont aller voir. Et un petit like, ça fait plaisir. Et bah allez cliquer, merci à toi Marocco 26. Ouais, je voulais faire une dédicace aussi à tout mon groupe. Adji, Prince. Chris, Erwan, Herman, Billy Beats, celui qui me fait mes prods, Lourd et ouais, gros big up à eux, à tous ceux qui soutiennent. Merci à toi. Bon courage, hein. Et on se retrouve vite durant cette saison, cette nouvelle saison de Planète Rap, saison 2014-2015 qui vient d'ouvrir avec DJ Kaze. DJ Kaze part en New York. On fera un live dans quelques minutes. Ouais, juste après avoir passé Matrixé, je pense qu'on va faire. Tirgo prêt? Ouais, toujours. Ça va bien? Ouais, bien, toujours prêt. Et bah ça arrive dans un instant avec les filles, avec Yasmine, avec Diesel qui sont là aussi. C'est ça. Et le morceau Matrixé tout de suite? Ouais. Let's go. Dans un monde où tout le monde est comme moi, dans un monde où personne me dévisage, je sais que ça ne sera pas possible. Alors autant faire face à vos critiques. Tout le monde a ses différences et chacun son délire, et surtout chacun sa chance. Mais c'est pas grave, on s'en fout, soyons fous, faisons du son. On s'exprime, on s'attire, on s'évite tout, on s'explique. Hello Paris, comment ça va? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça vous dit qu'on se follow? Oups, j'ai pas fait les présentations. Moi c'est des élèves et juste un record. Je suis matrixé. Je suis décalé. T'arrives pas à me cerner. T'arrives pas à me capter. Je me sens pointé du doigt par les autres autour de moi. Y'a quelque chose qui ne va pas. Je crois que je suis trop dans mon délire. Oh, pourtant je n'ai pas perdu la tête. Oh, rien à voir avec la fumée. Oh, des fois ce que tu dis c'est pas marrant. Mais je serai la seule à me taper des bas. Laissez-moi dans ma matrice, je t'aurais prévenu ma gueule. Kenza Diesel, c'est authentique. Mon flow a du caractère. Je suis dans un monde parallèle. Parfois je fais tout de travers. Toi et moi c'est pas la même. C'est pas la peine que tu comprennes. Laisse tomber ce dilemme. De toute façon y'a plus rien à faire. Je suis dans un autre univers. Pardonne-moi si je plane. Me calcule pas, je suis dans mon bail. Combinaison idéale. Au platine c'est DJ Kaze. Décalé, t'arrives pas à me capter. Je me sens pointé du doigt par les autres. autres autour de moi. Y'a quelque chose qui ne va pas. Je crois que je suis trop dans mon délire. Oh, pourtant je n'ai pas perdu la tête. Oh, rien à voir avec la fumée. Oh, c'est parce que tu dis c'est pas marrant. Mais je serai la seule à me taper des Voilà ce morceau à l'instant, matrixé, qu'on retrouve sur le projet de DJ Case, ça sort lundi. À pas louper dans les bacs Paris, Oran, New York. Donc sur une grosse prod, une fois de plus, de moi-même et Soundchecker, on a repris le thème du saxo et on a voulu faire un morceau clubbing, vraiment clubbing. Et Kenza Farah a répondu à l'invitation, Diesel, et on a amené un international dessus, ça donne un excellent titre. Et c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. On fait le live maintenant ? Ouais. Si vous êtes prêt, toi, tu vas où? Tu vas non, bon, je non, là. Tu peux rester là. C'est un morceau pour Tirgo. Je suis un DJ Bluetooth. Bluetooth. Prêt? Alors le morceau, c'est Yuga Takai, ouais. Mister You, Tirgo et Albandi. Ouais. Et ben on écoutera le live de Tirgo. Tu vas faire le live sur ton morceau maintenant. Ouais. C'est parti. C'est parti. Ouais, c'est allez, parti, go. Hein. Ça va très bien. Pourquoi? Comment ça se passe-t-il? Yuga Taga, DJ Kai, le 25 août, dans les bacs. Le 25 août, dans les bacs. Paris, Oran, New York. Poteau, fais qu'y croit les poteaux. Les michetons nous ont vu, elles mériteraient même pas une photo. 9-4 coco, c'est pas les chiffres du loto. Un concert à Bercy, sur la scène je ramène des motos. On est auto, VIP ramène l'auto. La belle shit d'alcool et VIP dans nos locaux. Mais les tous resserrent, t'es disparu comme métaux. T'as des gros métaux, mais t'es pas un mec du ghetto. On est tous en place et t'as pas d'amigo. Nous sommes chez nos chill et c'est leur chose à Nico. C'est vrai que j'en rigole, poteau c'est pas le même niveau. VIP, Casos, Family, baisse les rivaux. Baisse les rivaux, toute l'année, hey, je veux en découdre. Pour l'instant, on est sur écoute. J'avance, je vois plus rien sur ma route. Ouais. J'ai Toi, putain, cette bouteille collante. Hier, j'ai au max. Bandit comme Al. Grosse dédicace. Pour DJ Kai. 5-6 lions mire. Et après, j'me casse. Ça s'appliquera de la poutre. T'as Franck le casse. Une, deux, trois, quatre putes. Et après, j'me casse. Mat, mes coronets. Paris, tu me les casses. Strap le rosel. La ça et les gaz. 7-9-9-4. Ça pisse les babies. Investis dans la bière, le crack. Et le cannabis. On porte toutes les mains en l'air. Tout le monde sur la piste. Ne me faites pas la bise. Chez moi, c'est la guerre. On peut pas faire autrement. Faut que ceux qui volent la putain de leur maman. Je vais tous les allumer. Clic, clic. Le 25 août, dans les balles, Paris ou dans New York, Albandi. Yves, les en elle comme Ali, même si votre cam en ivre. J'ai une pépé, t-shirt t'arrive, la serveuse a du mal à calculer le tarif. J'ai la peau dorée, Armand de Brignac. Grosse fête en bois, nous dans une grosse baraque. Paris, Oran, New York, soir, ce c'est Kesh Mara. Pour mes rugby, Sonic et Bambara. Comme Jawara. J'ai envie d'un baraque comme Hal Karim et Poira. Comme Oussama, j'ai ce qu'il faut dans le départ. Ils sont dans l'embarras, on force les routes barrées. On joue en train de la pour décoller, on est paré. Big up à pépé, et à tous les dramés. Soir, ce c'est trop moi, trad, bac, on va cramer. DJ Kais, Paris, Oran, New York. Le 25 août, dans les bacs. Mais c'est pas les bras, mais levez les tous. C'est Zuka Taga. Je suis avec Tirgo. J'suis avec Al Bundy, j'suis avec DJ Kaiz. Laissez pas les bras, mais levez les pouces, bah ouais, c'est Zoukata. Ouais, ouais, ouais, ouais. Al Bandito. Wesh, DJ Kaiz. Wesh, Fred Redouane. Le 25 août. Dans les bacs. Paris, Oran, New York. Yougataka. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ajzou. Paris, Oran, New York. Du Jersey, Boston. Donc tu sais que tu spun. Ouais, le Houston. Je crois pas, je me spawn. Voilà le morceau. Voilà, voilà. On retrouve Thiergo avec nous, avec Al Bandy. Et avec Mister You Gataga. Mister You sur une prod de DJ Snatch. De là aussi. DJ Snatch, notre ami. Snatch. Et Thiergo qu'on retrouvera aussi peut-être là dans les mois à venir dans les bacs, pareil, t'es en train de bosser. Ouais, ouais, ouais, un projet solo qui arrive vers le mois de novembre dans les bacs. On est en train de le terminer et ça arrive lourd. Bon, faudra suivre Thiergo donc cette année. Thiergo, ouais. Qui est présent sur Paris, Oran, New York. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette ensemble, on met un dernier morceau. On va mettre un dernier morceau de notre ami Jules. Le titre c'est Fidèle à ma team. On l'a déjà pu le faire découvrir sur Rail Suprême et sur Internet. C'est un morceau qui marche en soirée, qui plaît beaucoup. Donc. Ouais, puis Jules, pareil, c'est aussi une longue histoire parce que je me souviens que dans Rail Suprême, tu mettais il y a bien longtemps les morceaux. C'est ça. On l'avait invité, ouais, en premier lieu. Et bon, l'écoute maintenant sur Skyrock, c'est parti, Fidèle à ma team. C'est la crise au Mike Maker. DJ Kaiz. Liga, Liga One. Ferrari, je drive, j'ai fait un rêve, j'avais deux tigres plein de mailles. Oui, je suis ailleurs, jamais à l'heure. Mais faites les gens qui peuvent céder le malheur. On fera jamais les macs. Je suis venu compéter les bacs, fais du rap. Pendant que partout ça braque en banque. Faut des gros sacs pour le compte en banque. Connexion DJ Kaiz, faut qu'on l'entende. Mais pour tes mots, on veut voir la vie en banque. Je suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche encore. Encore, j'ai changé mon décor, mon trésor dans ma tête. Donnez-moi un peu, je m'en contente. Laissez-moi vivre dans mon rideau fraîche. Femme, je te sors, t'es jamais contente. En plus, devant les gens, tu fais trop ta fraîche. Oui, je m'affiche, comme si je m'en fiche. La tête dans les nuages, pense à finir riche. J'ai trouvé le bonheur dans l'écriture et le son. Même si on n'est pas les mêmes, on pense ressemble. Je vis ma vie au jour le jour en esquivant les mauvais tours. Oui, je vis ma vie au jour le jour en esquivant. J'ai changé mon décor, mon trésor dans ma tête c'est le désordre. Et je me cherche encore. J'ai changé mon décor, mon trésor dans ma tête c'est le désordre. Paris, Oran, New York avec Jules qu'on retrouve aussi. Il fait partie du tracklist de Paris, Oran, New York. Il est sur deux titres, dont celui-là, Fidèle à ma team. Fidèle à ma team, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Exactement. Gros big up à Liga One Industries, toute leur équipe. Une grosse pensée à vous tous. Mmh. Et avant de se quitter, on va faire le dernier tour de table. On va saluer donc Yasmine qui était là avec nous ce soir. Merci Yasmine. Avec ta jolie voix. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Rappelle-nous les adresses où on peut te suivre, où on peut avoir Facebook, des infos sur toi. Yasmine officielle, YA2SMIN apostrophe. Et voilà, sur YouTube, Yasmine, pareil. Donc allez cliquer, les vidéos elles seront aussi dispo sur skyrock.fm de ta prestation a cappella il y a quelques minutes de cela. Merci d'être passé. Merci. Sur Paris, Oran, New York, Diesel. Oui, toujours là. Toujours là, tu vas revenir aussi bientôt, j'espère. Oui, très très bientôt. Donc toi tu bosses, t'es signé sur le label Justin Records. Voilà, exactement. Mmh. Et l'EP qui va pas tarder à arriver. D'ici la rentrée. Et voilà, les projets avec DJ Kaiz qui vont tout déchirer. Bon, et pour te suivre, pareil, les adresses pour te suivre, toi. Pour me suivre, c'est sur ma page artiste Facebook, Diesel officiel. Avec Diesel, deux L. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà. Et merci d'être passé ce soir. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis enfin, Tirgo. Ouais. On va retrouver, tu me disais, voilà, t'es en train de bosser actuellement, signé sur le label de Mysterio. Ouais, c'est ça, ouais. On termine le projet. Va sortir dans les bacs d'ici novembre. Et si vous voulez me suivre, à la page Facebook, TIRGO. Sur Twitter, Tirgo Alzou. Et sur YouTube, plusieurs clips, Tirgo TV, il y a pas mal de clips. Et allez cliquer sur Tirgo. Demain, il y aura d'autres invités. Il y aura d'autres invités surprises. Moi, je tenais aussi à préciser, mais mon nouveau Twitter, c'est @DJKaysParis. Donc, DJKAYZPARIS. Et la page fan Facebook, c'est DJ espace KAYZ. DJ Kays. Voilà, pour avoir toutes les infos, toutes les soirées de DJ Kays. Mm-hmm. Et avant de se quitter, avant de retrouver Diflo, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ta compil Planète Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Avec Axel de Rennes, salut Axel. Ouais, salut. Ça va les vacances pour toi Axel, le retour? Ouais, le... ça va, nickel. Bien, ça se passe bien du côté de Rennes? Ouais. Tu es prêt à faire tourner la roulette Axel? Ouais, y'a aucun souci. Allez, c'est parti, on y va. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case. Ah ouais, ça c'est du stop d'énervé, ça. Ils sont énervés à Rennes. Hein. Ça c'est du stop d'énervé, la rue de la soif à Rennes, tout. C'est quoi, pas c'est, chez ça. Axel. Oui. Et la totale Planète Rap volume 2, la compil qui cartonne. Et puis l'album de DJ Kaze, Paris, Oran, New York. 25 titres, pardon, inédits qu'on t'envoie du côté de Rennes, c'est pour toi. Ah, nickel, voilà, c'est bien, au moins il a la pêche. Fais du bien les vacances. Ouais, mais il fait pas très beau chez eux. Mais bon. Ah bon? Ah, on a trop beau, mais bon. Mais toi, tu vas plus jamais aller mixer à Rennes. Tu sais pas que c'est l'endroit où ils font les. Oui, non, on les aime beaucoup, les Bretons, ils nous leur donnent bien. Et bientôt, tu passes par la Bretagne ou pas, Kaïs? À la rentrée, ouais. À la rentrée. Pas l'été, non, l'hiver. Ah, tu vas te mettre bien avec les Bretons. J'habite pas en Bretagne, c'est Rennes à côté de l'île. De quoi? C'est Rennes à côté de Lille. Ah, c'est pas Rennes. Ah, c'est pas le même Rennes. Ah, non, c'est à côté de la plaque, là, Skyrock, ouais. Attends, moi je lis bêtement ce qu'on marque sur ma fiche. On marque Axel Rennes 35. Ah, non, il a mal noté en fait. Mais c'est Fabounette. Bon, c'est la même chose. Qui relie ça, qui. Une petite étiquette quand même, tu vois, voilà, c'est loin. À tout, à Coco, tout le monde, Jean-Claude, Mamou, Camille, Babou, tout le monde, quoi. Voilà, voilà. En fait, bravo mon pote. Bravo à toi en tout cas Axel. Peut-être qu'il s'est cru à Rennes un moment Axel, vu dans l'excitation du truc. 59. Merci à vous tous, merci Kaze, demain rencard juste avant 20h pour la suite du Planète Rap. Et là on va retrouver Diffoul. Ciao ciao. Ciao ciao.